Je ressens un frisson qui part de la base des vertèbres lombaires et qui remonte au plus haut des cervicales. Monsieur, madame, c'est normal, vous m'aviez consulté pour des primes et idées noires. Je vous ai prescrit 2 heures de British Connection par semaine. Surtout, n'arrêtez pas, le traitement est efficace. Écoutez British Connection, l'émission rock qui vous aime et qui prend soin de vous. Bonjour aux auditrices et auditeurs de British Connection, je m'appelle Olivier Bernard. Chroniqueur pour les webzines Obscure et Muside, je suis l'auteur de la biographie Brian Eno, le magicien du son, qui vient de paraître aux éditions du Camion Blanc. Tout d'abord, merci à Philippe de m'inviter pour parler de ce second ouvrage qui succède à mon anthologie de l'ambiante, sortie il y a 9 ans chez le même éditeur. En tant que fan d'ambiante et de musiques atmosphériques en tout genre, j'ai d'abord voulu creuser à l'époque ce chemin planant car il n'avait pas encore été pleinement exploré en France. Je suis parti de ses origines, dites savantes, avec des compositeurs classiques, en premier lieu Erik Satie, pour ensuite retracer toute son histoire, ses ramifications, ses métissages, son esthétique, etc. Dans la foulée, il m'a semblé naturel de m'intéresser donc au fondateur de ce style, dont je suis un grand fan, Brian Eno. En effet, je me suis rendu compte qu'une étude exhaustive de sa vie et de sa carrière, jusqu'à aujourd'hui, restait inédite chez nous, dans l'Hexagone. Ce fut un travail de longue haleine qui m'a pris plusieurs années. Je me suis rendu dans le Suffolk, en Angleterre, sa terre natale, et j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs artistes de renom qui l'ont côtoyé tout au long de sa carrière. Eno est une icône de la musique et de la pop culture depuis son entrée en scène comme claviériste de Roxy Music au début des années 70. Mais finalement, on le connaît sans trop le connaître, et sa force a été de défricher des sentiers et de se réinventer constamment. Rockstar, avec Roxy Music, puis promoteur d'expérimental à travers l'ambiante, collaborateur de plusieurs de très nombreux artistes, producteurs de génie, il a été une source d'inspiration pour énormément de personnes, à commencer bien sûr par David Bowie ou Moby. Ce livre a tenté de mettre en lumière toutes les facettes de cet homme de la Renaissance ou polymathe, un véritable touche-à-tout qui poursuit encore activement sa carrière de nos jours. Pour commencer, je vous propose d'écouter donc Wind on Wind, qui est un morceau présent sur Evening Star, le deuxième album qu'il a réalisé avec Robert Fripp, le guitariste de King Crimson, en 1975. Il s'agit en fait d'un extrait du morceau fondateur de l'ambiante, Dispute Music, qui dure dans le temps total une demi-heure. Sorti donc ce morceau, Dispute Music, en 1975 sur l'album éponyme. Une pièce idéale, croyez-moi, pour prendre son bain. Mais là, on va écouter donc l'extrait qui est Wind on Wind. Thank you. 1982-2022, British Connection, votre émission rock à 40 ans. Putain, tu les fais pas! Eno est né en 1948 dans le Suffolk, une région de l'est de l'Angleterre, d'un père facteur et d'une mère belge flamande. Un baby-boomer atypique et curieux qui s'enthousiasme très jeune pour le rock'n'roll et le doo-wop, ainsi que pour la peinture de Piet Mondrian. Comme toute bonne rockstar des années 60-70, il devient élève en école d'art, tout d'abord à Ipswich, puis à Winchester. Il découvre alors la scène musicale expérimentale, les minimalistes américains comme Lamontéon, notre père à tous comme il dit, ou bien encore Cornelius Cardew et Christian Wolff. Il se passionne aussi pour les possibilités de création sonore qu'offrent les magnétophones. Son diplôme en poche, il part à Londres et tombe par hasard, à la fin de l'année 1970, sur Andy Mackay dans le métro, une connaissance à lui. Celui-ci lui parle alors de son groupe qui aurait besoin de ses talents de manipulateur sonore. Il intègre le combo et se saisit alors du synthétiseur EMS VCS3 que le groupe a acquis. La vie de Brian va changer à jamais. Il devient donc le claviériste emplumé et maquillé de Roxy Music, combo hard glam rock, qui le propulse au rang de star, éclipsant même l'aura du ténébreux Brian Ferry. Sa réputation de satyre, de trousse groupie n'est plus à faire, le conflit des égos est inévitable. En 1973, Eno vole de ses propres ailes après les albums Roxy Music et For Your Pleasure. Il sort ses premiers disques solo et crée une nouvelle musique, l'ambiante. Puis il monte le label Obscure Records pour faire connaître certains compositeurs classiques et sort la série en 4 volets des Ambient Records. Le numéro 1, Music for Airport, s'est accompagné d'un texte, une sorte de manifeste définissant le concept de ce nouveau son planant. Décidément, les années 70 sont fast pour lui. En effet, il devient l'éminence grise de Bowie sur sa fameuse trilogie berlinoise, constituée des mythiques Low, Heroes et Lodger. Il débute en parallèle sa carrière féconde de producteur. Au final, sont passés entre ses mains expertes de magicien du son un nombre impressionnant de musiciens. On peut citer Devo, Ultravox, Lara Agi, Talking Heads, John Hassell, Geoffrey Oyema, James et bien sûr U2 et Coldplay. Je vous propose d'écouter à présent Deep Blue Day, morceau phare de l'album Apollo Atmospheres and Soundtracks sorti en 1983, un album culte réalisé avec son frère Roger et Daniel Lanois. Un véritable chef-d'œuvre de l'ambiance, ce morceau, on le retrouve sur la BO de Trainspotting. Et ici, il s'agit de la version de l'ensemble Icebreaker, accompagnée du guitariste BJ Cole, qui ont interprété Apollo sur scène lors de la célébration des 40 ans de la marche sur la Lune en 2009. Thank you. en exclusivité, uniquement dans British Connection. Mais non, ça se limite juste à la musique. Question rhétorique, je vous l'accorde. Car Brian a exploré différents sentiers artistiques depuis les années 1960. Attiré au départ par la peinture, il a par la suite mis au point de nombreuses installations tout au long de sa carrière. Nous retiendrons les très colorées et lumineuses 77 Million Paintings et Light Music. Il s'est intéressé à la vidéo, on peut citer Thursday Afternoon, qui deviendra un sensationnel album d'ambiance, et plus récemment aux applications. Il en a créé plusieurs avec son complice Peter Chilvers. Né fin, il se passionne pour la parfumerie, mais aussi et surtout la cybernétique, à travers les écrits notamment de Stafford Beer. Penseur infatigable, il a écrit souvent sur l'art et la politique. Il crée même une sorte de happening en urinant sur l'urine noire, donc Fontaine de Duchamp, exposée au MoMA de New York. Avec Peter Schmidt, il conçoit aussi la célèbre série d'aphorismes, les stratégies obliques, censées stimuler l'inspiration, dont la première édition date de 1975. Citoyen actif, ses combats militants sont multiples. Très engagé à gauche, surtout depuis une dizaine d'années, il s'est impliqué pour la cause pacifiste dès les années 90 en faisant partie de l'ONG War Child, luttant contre la guerre en Bosnie. Il dénonce vigoureusement l'invasion de l'Irak par la coalition anglo-américaine au début des années 2000. Mais depuis le début du XXIe siècle, il est surtout très impliqué dans la défense des Palestiniens et la dénonciation de la politique de l'État d'Israël, ce qui est assez ironique quand on sait qu'il est né un jour après la naissance officielle du pays. Ce positionnement lui a d'ailleurs valu récemment quelques ennuis. Pour terminer, je souhaite vous faire écouter I'm Set Free, troisième section du morceau Fickle Son, présent sur l'album The Ship, sorti en 2016, disque dont l'un des points de départ est une réflexion sur la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'une reprise du Velvet Underground, idole de jeunesse d'Eno. Il aura d'ailleurs à propos du premier LP des New Yorkais ce mot historique. Seulement quelques milliers de personnes ont acheté ce disque, mais ils ont tous monté un groupe ensuite. I'm Set Free fait d'ailleurs partie du troisième album du Velvet, l'opus rock favori de Brian. Merci à toutes et à tous, may the Eno be with you. Retrouvez le livre d'Olivier Bernard sur Brian Eno aux éditions du Camion Blanc. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. C'est la deuxième partie de l'album de la semaine. Le groupe s'appelle Not Your Animal. C'est un album éponyme. Not Napoleon. Not Napoléon, surtout pas Bonaparte. Cette chanson, elle parle de quoi ? Cette chanson parle de pouvoir, de lutte pour le pouvoir, de guerre. Donc c'est une chanson un peu d'actualité. Mais lorsque je l'ai écrite, c'était surtout... ma grande passion, c'est la primatologie, c'est le comportement un peu primate des êtres humains. Et donc je voulais évoquer cette tension entre les garçons, notamment... pour être le premier. Voilà, un petit essai sur le comportement humain. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à écouter British Connection, ici même sur votre radio favorite. Pour vous remercier de votre fidélité, l'émission vous offre encore plus de rock. Objects on their fields, a red cup, twisted mark, the face of Jesus in my suit. on the sinister dinner deals, on Neutron's wicked wheels, hooked bone rising from my food, all things that are good or unfood. And a brother's seat is waiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food, of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I've told the truth, and I'm not afraid. Interpret signs and catalog a black cheek, a scarlet fog. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind. I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. Across his brother's fist, that filthy thigh, it did nothing to challenge or resist. In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold, the throne from which I'm told, oh, history doesn't fold down here, it's made of a wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never lie. Killing is pure evil, where's a wedding band that's good? Tis a long-suffering shackle, calling all that ripple blood. And the mercy seat is a-burning, and I think my head is glowing. And anyway, I'm hoping to be with all this weighing up the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to lose, and I'm not afraid to die. The mercy seat is growing, and I think my head is melting, and in a way I'm helping to be done with all this twisting of the truth, an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I saw no proof, and none no proof, why? The mercy seat is a melting, and I think my blood is boiling, and I'm going to spoil all the fun by all this consequence and truth, and an eye for an eye and a tooth for a tooth, and I got nothing left to lose, and I'm not afraid to die, and the mercy seat is awaiting.